bientôt au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. Qu'est-ce que c'est? Kalachnikov russe. 30 balles dans le chargeur. Portée 7-8 km environ. Le prix d'une Kalachnikov varie entre 10 et 15 000 roupies, mais c'est super. Si elle chauffe trop, tu peux toujours la tremper dans l'eau sans aucun problème, crois-moi. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les tractations ont duré des années avant que la nouvelle surgisse le 23 septembre dernier que l'Inde officialisait l'achat à la France de 36 avions de chasse Rafale construits par Dassault Aviation. Le premier avion devrait être livré en 2019, les autres dans les 30 mois suivants. Peu auparavant, en juin, la France a signé avec l'Australie, à l'issue d'une féroce concurrence avec le Japon et l'Allemagne, un contrat prévoyant l'achat de 12 sous-marins d'attaque dérivés de notre Barracuda. Et précédemment, l'Égypte avait acquis 24 Rafales, une frégate à multimission et des missiles de courte et moyenne portée. Les avantages qu'en tirera l'emploi, le profit pour notre balance des comptes, sont considérables. Par quoi l'attention a été attirée sur un domaine qui est depuis toujours d'un grand intérêt, celui du commerce international des armes. Sa portée est militaire par définition, diplomatique et économique, mais il est aussi déontologique. Bien des controverses y sont en effet de longue date développées à partir des inquiétudes des pacifistes et souvent de leurs indignations quant aux conséquences de toute course aux armements. Un traité sur le commerce des armes a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 2 avril 2013, traité que la France a ratifié et qui vise à réguler, je cite, le commerce pour le rendre légal et légitime dans le monde. Voilà bien une question qui mérite d'être replacée dans la longue durée. Et qui pourrait mieux y pourvoir qu'Hervé Drévillon, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, à Paris 1, où il dirige l'Institut des études sur la guerre et sur la paix. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vends vendait des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci, au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y'a plus personne sur le pavé. Canon en solde. Hervé de Réveillon, bonjour. Bonjour. Nous avons de concert entendu Le Petit Commerce, une chanson de Boris Vian pour les paroles, d'Alain Goraguer pour la musique, interprétée ici par Boris Vian en 1955. J'ai élu cette chanson pour ouvrir notre conversation parce qu'elle me paraît ramasser de façon intéressante beaucoup des questions que nous allons avoir à nous poser ce matin en parlant du commerce des armes de siècle en siècle. C'est un petit commerce qui, selon Boris Vian, marche trop bien. Et c'est un des grands paradoxes qui est soulevé par cette chanson, un des grands paradoxes du commerce des armes. Le commerce des armes est un instrument de puissance, traditionnellement pris en charge par les États et depuis longtemps. Mais également, il contribue à la dissémination dans tout le monde de systèmes d'armes qui, lorsqu'ils sont utilisés, finalement, aboutissent à une sorte de nivellement. Puisque si les armes se diffusent partout, ça tend à égaliser les niveaux de performance des différents systèmes militaires. Et lorsque ça marche trop bien, eh bien, ça nivelle les valeurs et ça peut provoquer l'effet qui est décrit dans la chanson. C'est-à-dire que lorsque les armes fonctionnent, eh bien, ça contribue à donner aux autres aussi les moyens de gagner la guerre. Beaucoup d'oppositions binaires que nous allons avoir à traiter au cours de cette heure de conversation. Mondialisation et souveraineté. Nécessité de protection, de sécurité publique, qui revient notamment aux chefs d'État par rapport à leur peuple, et d'autre part, préoccupation morale quant à la possibilité que ce commerce des armes devienne à son tour puissamment belligène. Exactement, puisque c'est une autre dimension présente dans la chanson, c'est la condamnation morale de ce type de commerce, alors qui ajoute un élément supplémentaire à la condamnation et à la traditionnelle de la guerre à laquelle on est habitué depuis longtemps, puisque la guerre étant censée malgré tout être l'affaire des États, l'affaire des collectivités, eh bien il y a quelque chose de choquant dans la possibilité qu'elle puisse engendrer des enrichissements personnels. Et donc des fortunes construites sur le malheur des hommes attirent la critique notamment des milieux pacifistes depuis la fin du 19e siècle en particulier. Ce traité que j'évoquais sur le commerce des armes qui remonte au 2 avril 2013, il est passé un peu inaperçu dans la grande presse, mais il est de grande importance déjà symbolique et peut-être demain pratique. C'est une aspiration qu'ont notamment beaucoup de marchands d'armes contemporains dans nos pays, avoir une régulation qui les protégera eux-mêmes contre un certain nombre de menaces morales qu'ils peuvent devoir affronter. Les effets potentiels de ce traité sont encore difficiles à évaluer, mais ils sont sans doute considérables, parce que ce traité engage la responsabilité des États qui doivent, au moment où ils consentent à vendre des armes, ils doivent s'engager à mesurer l'utilisation potentielle qui sera faite de ces armes. Je cite, « Ils doivent veiller à ce que ces armes ne servent pas à servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violences graves des conventions de Genève, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil. » Ça veut donc dire que un marchand d'armes, eh bien, engage sa responsabilité pour l'avenir. Alors, je crois que ça nous réserve à l'avenir des débats considérables pour déterminer si, au moment où les armes étaient vendues, eh bien, le vendeur avait les moyens d'évaluer les risques de mésusage de ces armes. Ce traité n'a pas encore été ratifié par la Russie et par les États-Unis, comme il l'a été par la France. Quand on regarde ces choses de près, on s'aperçoit que le processus d'encadrement du commerce des armes est d'une extrême rigueur en France. Dans la France d'aujourd'hui. Thalès, par exemple, a décidé de ne plus fabriquer d'armes à sous-munitions. Ce sont des armes, effectivement, qui sont diffusées par un vecteur qui dissémine des munitions, ce qui pose le problème, qui est un problème éthique souvent soulevé lorsqu'il s'agit d'usage des armes, c'est la question de l'incapacité à contrôler la dispersion des armes et l'incapacité en fait à cibler un objectif. C'est-à-dire que on peut considérer qu'une arme est d'un usage légitime dès lors que elle peut cibler un objectif et que l'objectif d'ailleurs soit lui-même légitime. Et il y a un renversement par rapport à l'époque moderne qui vous est chère, Hervé de Révillon, je pense à l'époque de Louis XIV ou de Louis XV, où au contraire, on voulait ne pas cibler. Effectivement, une des raisons fondamentales de la condamnation de l'arme à feu, par exemple, qui a couru du XVIe au XVIIIe siècle, était que cette arme, dès lors qu'elle faisait l'objet d'un usage ciblé, était condamnable. Ce que l'on reprochait au fusil, c'était qu'il avait quelque chose d'infamant et que on considérait que on pouvait utiliser le fusil dans une bataille à condition de ne pas cibler. Cette individualisation du feu, effectivement, c'est elle qui portait le scandale, alors qu'aujourd'hui c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on considère que une arme est d'autant plus légitime qu'elle permet un ciblage précis. Pour éviter les effets dits collatéraux. Exactement, et c'est ce qui a même fait penser à la fin des années 90, avec le raffinement des procédés de ciblage, avec le guidage laser, par exemple, des bombes. C'est ce qui a permis de commencer à parler, d'ailleurs, de guerre à zéro mort, puisque ça permettait de cibler de façon extrêmement précise des objectifs. Zéro mort du côté de celui qui frappait. Mais également, éventuellement aussi, du côté de celui qui est frappé, parce que la doctrine d'emploi, notamment dans l'aviation américaine, au moment du bombardement du Kosovo, par exemple, était qu'il fallait cibler des objectifs stratégiques qui désorganisaient la défense de l'adversaire et qui n'impliquaient pas nécessairement des pertes humaines. C'était une grande rupture par rapport à ce qu'étaient les bombardements de la guerre du Vietnam, justement, qui étaient des bombardements non discriminés. C'était ce qu'on appelait les bombardements de nappe ou les bombardements de zone, où on bombardait sans séparer les cibles civiles des cibles militaires. La chanson de Boris Vian posait très directement la question de l'entrepreneur, vous le disiez, privé qui s'enrichissait. Et cet entrepreneur-là, on le retrouve, je reviens en arrière, vous vous y attendiez, on retrouve très directement, je n'en remonterai pas jusqu'à l'Antiquité, à moins que vous le souhaitiez, mais au Moyen-Âge en tout cas, au Moyen-Âge où il s'agit d'une entreprise privée, en fait, de la guerre. Et par conséquent, l'armement des uns et des autres est un armement individuel. Et les entrepreneurs individuels, c'est très différent de notre époque. Absolument, oui, la guerre est une question d'entreprise privée. Alors, prise en charge est plus ou moins contrôlée par les États, mais les États s'appuient sur des entrepreneurs qui ont la responsabilité de lever des troupes, de les entretenir à leurs frais, mais également de les équiper. Ça renvoie évidemment à la situation de ce qu'est aussi le marché de l'armement au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, qui est un marché extrêmement disséminé, très local. Il y a des fourbisseurs d'épées, il y a des armuriers dans toutes les villes. Les marchés et les foires regorgent de Exactement. Marchands, un peu comme aux États-Unis pour le commerce des armes personnelles et privées. Tout à fait. Il suffit de regarder, par exemple, un tableau de Bruegel où on voit ces scènes de fêtes de village avec des paysans armés de couteaux qui ressemblent quand même beaucoup à des épées. Alors, ce qui n'empêche pas, malgré tout, l'existence d'un marché à une échelle plus large, un marché européen, puisqu'il y a aussi des phénomènes d'engouement pour les épées de Tolède, par exemple. Les épées damassées, par exemple. Exactement, ce qui nous renvoie à un marché même de dimension mondiale. Il s'agit notamment des matières premières qui vont servir à la fabrication des armes, voilà, plutôt que des armes elles-mêmes, souvent. Tout à fait, c'est l'acier de Damas qui est prisé, acier de Damas qui est lui-même élaboré en Inde et donc retravaillé à Damas, ensuite exporté vers l'Europe. Et là, on voit donc cette problématique durable du commerce des armes comme un vecteur de mondialisation. Et c'est très net. Ce qui s'articule effectivement avec des marchés locaux extrêmement dynamiques. Les armes sont diffusées, sont présentes dans la société. Je vais vous faire entendre un reportage sur un moment tout à fait récent, trafic d'armes au Pakistan. C'est un reportage d'Éric Valmire sur France Inter le 17 octobre 2001. Et du côté de l'achat et de la vente des armes individuelles, il me semble que la rupture temporelle est nettement moins marquée que pour ce qui touche aux armes de grande dimension. Dans la zone tribale, zone de non-droit interdite d'accès à la frontière pakistano-afghane, aucune autorité gouvernementale mais des tribus qui vivent du trafic d'armes. Les Moudjahidines qui partent combattre en Afghanistan s'arrêtent chez leurs fournisseurs d'armes, comme chez Farad. La transaction s'opère dans sa cour après la fermeture des grilles. Mansour, à peine 20 ans, se voit proposer 7 ou 8 armes. La portée de ce stère est d'un kilomètre seulement. Mais dans la cartouche se libère une douzaine de balles qui peuvent tuer autant d'hommes. Tu veux essayer ? Tu veux tirer sur eux ? Dit l'homme en nous désignant tout en soulevant l'arme. Il enchaîne avec un sourire, il plaisante. Mansour saisit le fusil pour l'essayer. Les négociations se poursuivent à deux pas des enfants de Farhad qui jouent dans la cour. Qu'est-ce que c'est ? Kalachnikov russe. 30 balles dans le chargeur. Portée 7-8 km environ. Le prix d'une Kalachnikov varie entre 10 et 15 000 roupies, mais c'est super. Si elle chauffe trop, tu peux toujours la tremper dans l'eau sans aucun problème, crois-moi. Puis regarde là comme elle glisse bien, c'est de la super qualité, je t'assure. Chaque Moudjahidine paie son arme grâce aux donations. Chaque combattant est ainsi armé. Mon cousin, rentré d'Afghanistan après les bombardements, on l'a équipé à nouveau et il est parti pour Londres. Chez nous, les Pachtounes, quand un enfant naît, il entend dans la première oreille le nom de Dieu et dans la seconde un coup de fusil. Peshawar, Alain Fauchet, Éric Valmire, France Inter. Il n'y avait pas, je vous en fais la révélation, Hervé de Réveillon, de Kalachnikov au Moyen-Âge, et pourtant, il me semble qu'un certain écho pourrait être décelé dans ce portage par rapport à ce qui se passait alors. Oui, effectivement, ce que l'on voit dans ce commerce des armes, c'est la nécessité pour chaque individu de s'armer, et donc l'existence d'un marché finalement très très peu encadré. Très fluide. Exactement. Mais malgré tout, et comme on le voit dans ce reportage, qui s'appuie, puisqu'il est question de Kalachnikov, et là, ça renvoie effectivement donc à ce fusil d'assaut élaboré en 1947 en Union soviétique, et donc ce marché individuel, privé, s'appuie malgré tout sur un fondement qui est la prise en compte de la fabrication et de la diffusion des armes par des États et par des appareils d'État extrêmement puissants. Ça me rappelle par exemple cette ordonnance de 1716 où le roi interdit le port et la fabrication des armes pour les personnes privées et en particulier les fusils, mais constate que depuis la fin de la guerre, 1714, la fin de la guerre de succession d'Espagne, eh bien tous les soldats qui sont rentrés chez eux sont rentrés avec leurs fusils. Ça contribuait à la diffusion des armes à feu dans les campagnes. On pourrait peut-être signaler cette interdiction au président Obama. Et c'est toute la difficulté de la construction d'un État qui repose, comme on dit, sur le monopole de l'usage légitime de la violence et qui, pour ce faire, produit des armes et a du mal à contrôler la diffusion de ces armes. Sous François Ier, les canons sont encore privé, non ? Exactement. Les canons de Marignan, par exemple, sont des canons fabriqués et mis à disposition du roi par des entrepreneurs privés. C'était le cas également à la fin de la guerre de 7 ans, les canons de Charles VII pendant les campagnes de recouvrement de la Normandie et de la Guyenne. Jusque Louis XIV, en fait, l'artillerie est le fait d'entrepreneurs privés qui mettent à disposition cette puissance entre les mains du roi. C'est seulement au XVIIIe siècle que ces entreprises-là sont étatisées. Ils en tirent profit par conséquent à titre individuel, ils louent les canons et ils les récupèrent après quand ils ne sont pas abîmés. Il y a des systèmes de régie, il y a des systèmes de bail de ce type, pré-bail. Effectivement, mais qui vaut aussi pour les fabricants d'armes à feu individuelles. Ça n'est que très tardivement, donc à la fin du XVIIe siècle, qu'apparaissent des manufactures royales. C'est un tournant très important qui est peut-être lié à la professionnalisation de l'armée qu'on peut apercevoir et décrire à l'époque de Louis XIV avec ces manufactures royales sur lesquelles il faut s'attarder un instant car elles annoncent un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui en France et ailleurs sont directement reliées à l'État. Tout à fait. Ces manufactures qui commencent à s'organiser à la fin du règne de Louis XIV dans les années 1690 et qui s'institutionnalisent tout au long du XVIIIe siècle, selon un modèle qui n'existe pas d'ailleurs uniquement dans la fabrication des armes, c'est aussi le règne de Louis XIV, le grand d'époque de manufacture des Gobelins, par exemple. Colbert était de ce temps-là. Voilà, tout à fait. C'est lui qui met en œuvre ce modèle-là. Ça permet, en fait, dans ces manufactures, de structurer une production, de l'organiser, de la soumettre à des règlements. C'est le travail des inspecteurs des manufactures que de contrôler que les choses sont produites selon un certain nombre de normes. Et par ailleurs, dans l'histoire de l'organisation de la production industrielle, ces manufactures sont aussi essentielles parce que c'est là qu'on invente des procédés de standardisation. Et donc, en fait, ce sont souvent des ateliers des ateliers dont les capitaux sont privés souvent, mais qui sont organisés, structurés par l'État. C'est l'exemple de la manufacture, par exemple, de Saint-Étienne-la-Forêt. Celle d'Indray sur Loire pour les canons de marine, par exemple. On a là finalement un modèle d'économie mixte en réalité, c'est-à-dire il y a souvent des capitaux d'origine privée et une action d'organisation de l'État. C'est tout à fait moderne. Est-ce qu'on exporte un certain nombre de productions de ces manufactures ou bien est-ce que l'État les garde jalousement pour lui? L'exportation est arrivée tard, puisqu'il y a eu pendant longtemps des réticences à l'idée que ces instruments de souveraineté, qui étaient les manufactures d'armes, puissent servir à armer de potentiels ennemis de la France. Il faut savoir que la France, à l'époque moderne, a fait la guerre à tous les pays d'Europe, exception faite, je crois, du Danemark. Et donc, il était difficile d'envisager un commerce des armes qui ne soit pas susceptible de se retourner contre la France. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'en 1816 est adoptée une loi qui interdit toute exportation d'armes. Ça n'est que progressivement au 19e siècle, un petit peu sous la pression, d'ailleurs, des concurrents de la France, c'est-à-dire les Anglais, les Allemands, les Américains, c'est au 19e siècle que l'exportation des armes se libéralise. Il y a des cas dans l'histoire où on a vendu des armes de façon malencontreuse, des armes qui ont été ensuite retournées contre les pays vendeurs? Je dirais presque toujours. À défaut de se retourner contre le pays vendeur, les armes peuvent se retourner contre des alliés du pays vendeur. Et là, ça a donné des affaires récentes. Enfin, je pense par exemple à l'affaire pendant la guerre des Malouines en 1982. Les exocètes français. Voilà, ce sont des exocètes français délivrés, enfin tirés par des super étendards de fabrication française, donc utilisés par l'armée argentine, qui ont coulé un destroyer anglais, le Sheffield. Et ça a été une affaire qui a eu beaucoup de retentissement. Alors comment évoluent tous ces éléments, Hervé de Révillon, que vous venez de répertorier? Je veux dire, l'équilibre État entreprises privées, la question des préoccupations économiques aussi, de l'emploi, les relations avec les ennemis et les alliés qui peuvent être provisoires dans cette situation. Comment tout cela évolue-t-il au 19e siècle? Alors, le 19e siècle, c'est le siècle de l'industrialisation de la guerre. Et par conséquent, un certain nombre d'entreprises privées désormais se sont introduites sur le marché, surtout dans le système de production des armes. C'est le cas notamment aux États-Unis. Le 19e siècle aux États-Unis, c'est le siècle de l'essor d'entreprises célèbres, Winchester, Colt, qui sont devenus extrêmement célèbres à cause de la guerre de sécession, qui a été le moment où ces armes ont été employées. C'est la première grande guerre industrielle, comme le sera la guerre de 1870. Et parler de guerre industrielle, c'est évidemment du point de vue qui nous occupe ce matin, c'est-à-dire le commerce international des armes, toucher un élément essentiel. C'est ce moment, dans les années 1850-1860, que l'on prend conscience de la part considérable que prennent désormais les grands entrepreneurs privés dans le système de production des armes. Avant la guerre de 1870, il y avait eu une alarme qui avait été provoquée par la guerre de Crimée. Sanglante à tous égards. Effectivement, sanglante plus sous l'effet des épidémies d'ailleurs que sous l'effet des armes. Mais la guerre de Crimée, c'est une grande nouveauté quand même dans l'histoire de la guerre. On est en 1854, comme 1854, 1856. La France projette très loin, et à partir donc de la mer, une force de plus de 300 000 hommes. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la guerre que autant d'hommes soient projetés aussi loin. D'énormes problèmes logistiques se posent. Et il faut des navires. C'est aussi le moment où la guerre sur mer est désormais menée, et de plus en plus, par des navires à vapeur. Et donc il faut faire appel à ce moment-là à des entrepreneurs privés comme Lucien Armand à Bordeaux. Méconnu celui-là. Effectivement, mais qui à l'époque joue un rôle considérable puisqu'il est le premier à organiser un système de production de navires qui désormais commencent à être blindés. Et donc là, il faut tout le soutien de l'industrie privée pour favoriser l'effort de guerre qui se mesure non seulement en nombre d'hommes que l'on envoie sur le terrain, mais également en puissance de feu et en capacité industrielle. C'est le moment aussi où, en Allemagne, Krupp, dès 1861, se met à fabriquer des canons. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la guerre de 1870 apparaît effectivement comme le moment de la prise de conscience du retard français sur les capacités industrielles allemandes, puisque la France, elle, en était restée à un modèle un petit peu exclusif de contrôle de l'État sur la production des armes, qui avait révélé ses limites pendant la guerre de Crimée, mais qui en 1870 devient absolument criant. Il y avait encore des manufactures d'État à ce moment-là. Tout à fait. Qui dominaient la fabrication des armes. Et la manufacture de Saint-Étienne en particulier, qui a joué un rôle très important dans la production d'armes qui sont devenues célèbres. Le chassepot, par exemple. Ah, le chassepot. Parce qu'il y a toujours du symbolique dans cette histoire du commerce des armes. Le chassepot est resté marqué par la fameuse formule du général qui avait dit... Il s'agit du moment où Garibaldi, naguère allié de Napoléon III, est devenu son adversaire. Oui. Et où les armées françaises défendent le Vatican et le Saint-Siège. Mm-hmm. Il envoie un télégramme. Les chassepots ont fait merveille, ce qui a évidemment indigné toute la partie libérale de l'opinion. Voilà, tout à fait. Alors, parce qu'effectivement, il y a une valeur symbolique très forte qui est attachée au fusil, qui est l'armement individuel, qui règne sur le champ de bataille. Le fusil raconte beaucoup plus que tout simplement une histoire d'armes. Il raconte une histoire symbolique. Ce chassepot, qui était une grande prouesse technique, puisqu'il permettait un chargement par la culasse, ce qui permet des cadences de tir beaucoup plus élevées, il a une précision et une portée considérablement augmentées. Le chassepot, d'ailleurs, a tellement fait merveille qu'il a inspiré aux armées françaises une dangereuse présomption en 1870. On pensait que le chassepot à lui seul suffirait à faire face à l'artillerie lourde allemande, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui peut nous amener à un événement beaucoup plus contemporain, lorsque le fusil mitrailleur français FAMAS a terminé son règne, frappé d'obsolescence, et qu'on en est venu à acheter une arme allemande, le HK-416, alors qu'on a rappelé, notamment M. Montebourg, ça ne vous étonnera pas, a rappelé que depuis toujours, les soldats français tiraient français, fin de citation. Effectivement, là, c'est toute la valeur symbolique de l'armement individuel qui a été mobilisé dans cette affaire du FAMAS. Bon, si le FAMAS a été abandonné, c'est qu'il était effectivement arrivé à obsolescence. Et s'il n'a pas été remplacé par une arme française, c'est que aucune société française n'était intéressée par un marché qui est désormais un marché anecdotique, puisque maintenant l'armée française c'est 150 000 hommes, et si on compare cet effectif à ce que c'était auparavant, il faut se rappeler par exemple que la première génération du FAMAS, le FAMAS F1, a été produit à 400 000 exemplaires. On en revient toujours à cette dialectique que vous posiez en commençant, entre d'un côté la sécurité nationale, qui se protège derrière des frontières, et d'autre part la mondialisation, qui est à la fois le fruit d'une nécessité et d'une aspiration des marchands d'armes dont nous parlons ce matin à étendre leur commerce autour de la planète. Et c'est à la fin du 19e, on y revient, que cette tension se manifeste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État fait appel à des entrepreneurs privés pour produire des armes, eh bien, il est aussi censé leur donner les moyens de s'épanouir commercialement. Et c'est ce qui nous amène à la fameuse loi de 1885, qui est une loi de libéralisation du commerce des armes. Et on peut exporter désormais en toute liberté le matériel de guerre. Voilà. C'est tout à fait nouveau. Alors, avec malgré tout un encadrement, des autorisations, mais malgré tout, ça va permettre à des sociétés françaises comme Schneider de produire des armes qui vont devenir, comme l'est devenue la Kalachnikov par la suite, qui vont devenir de véritables succès commerciaux mondiaux. La célèbre mitrailleuse Hotchkiss, dans les années 1920, eh bien, est un succès commercial mondial que l'on retrouve utilisé au Mexique, au moment de l'insurrection zapatiste, mais également, bien évidemment, dans la Grande Guerre aussi. À la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme. Quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur, ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur. Quand elle chante à sa manière, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- glorieuse. Ma petite mimi, ma petite mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les douze yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Plein d'adresse, je la graisse, je la stique et je la polie. De sa culasse jolie à sa petite gueule chérie, très habile, je la défile et tendrement je lui dis, jusqu'au bout, restons unis pour le salut du pays. Quand elle chante à sa manière, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite mimi, ma petite mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les douze yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Si les boches nous approchent, nous commençons le concert. Après un bon démarrage, je précipite le fauchage. Comme des mouches, je vous couche tous les soldats du Kaiser, le nez sur nos fils de fer ou les quatre fers en l'air. Quand elle chante à sa manière, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un Prussien qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite bimbi, ma petite bimbi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les douze yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Mais tout passe et tout lasse, même la guerre et l'un de ses jours, ou bien l'une de ses années, nous la verrons terminée. Alors vite, ma petite glorieuse, oh mes amours, nous devrons à notre tour nous séparer pour toujours. Après une salve dernière, ta ta ta ta ta ta ta ta, en te voyant endormie, je te dirai, chère amie, fais dodo ma glorieuse, ma petite mimi, ma petite mimi, ma mitrailleuse. Et des pleurs mouilleront mes yeux quand je te ferai mes adieux. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Ma mitrailleuse, 1915, Théodore Botrel, le breton, interprété ici par Jean-Marie Prollier. Cette mitrailleuse, cette Rosaline Hervé de Réveillon, elle est française ou elle est le fruit d'un commerce international des armes? Alors justement, c'est le moment où les mitrailleuses françaises fabriquées à Saint-Étienne vont être supplantées par les mitrailleuses Hotchkiss, alors certes de fabrication française, mais fabriquées par un entrepreneur privé. D'origine américaine? Effectivement, d'origine américaine, qui s'est installée en France dans les années 1870, après... Avoir lancé son activité de fabricant d'armes aux États-Unis auparavant. Hotchkiss va devenir un très très grand entrepreneur. Il va ensuite fabriquer des automobiles. Hein. Les automobiles Hotchkiss sont célèbres partout. C'est moins dangereux. Nettement. Enfin, en général. Je dirais que la mitrailleuse est l'arme un petit peu emblématique de la Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup d'autres innovations. Il y a eu l'aviation, il y a eu les tanks, etc. Mais c'est la mitrailleuse qui retient l'attention parce que c'est elle qui véhicule le mieux l'idée de la guerre industrielle et de la mort administrée mécaniquement. Et ensuite, de la mort administrée mécaniquement par un individu. C'est-à-dire que la mitrailleuse, elle remplace, alors pas dans le même usage tactique, mais elle remplace le fusil et elle permet à un individu de délivrer de façon automatique et en partie aveugle, la mort. Et c'est précisément ce que l'on met en évidence à ce moment-là. Et par ailleurs, c'est aussi le symbole de la diffusion d'une guerre industrielle au-delà des États industrialisés. Parce que les mitrailleuses, on les retrouve dans de nombreux conflits, et en particulier dans des guerres civiles. Donc largement vendues sur le marché. Exactement. Et en particulier dans les années 20, le succès de la mitrailleuse Hotchkiss attire l'attention et elle est en quelque sorte le symbole de l'arme et du commerce mondial. Des armes, comme le deviendra plus tard la Kalachnikov. Du côté du mythe, là où le thème de ce matin sur le commerce international des armes rejoint la littérature, on trouve Rimbaud, et je voudrais m'y attarder un instant, puisque chacun sait qu'après son éclatant moment poétique, de façon toujours quelque peu inexpliquée, il s'est fait marchand d'armes du côté de la corne de l'Afrique. Racontez-nous ça avant que je vous donne une lettre de lui à ses amis le 22 octobre 1885. Rimbaud fait partie de ces aventuriers et trafiquants d'armes qui ont développé une intense activité en Afrique et en particulier ici en Afrique de l'Est. Dans les années 1880, l'avait pour objectif donc de fournir des armes à Ménélik. C'était le Néguste. Qui avait besoin d'armes pour résister aux entreprises italiennes. On a parfois oublié que bien avant la guerre d'Éthiopie de 1935, Néguste l'avait emporté dans la bataille d'Adoua sur l'envahisseur européen. Exactement. Et ce qui se passe en Éthiopie n'est pas sans rappeler ce qui se passe, alors selon d'autres modalités, mais quelques années après, lors de la guerre des Boers en Afrique du Sud. Si les Boers parviennent à tenir tête à l'armée anglaise, eh bien c'est parce qu'ils peuvent acheter des armes en France, en Allemagne, et qui sont des armes particulièrement perfectionnées. Et ça, c'est un des traits importants du commerce des armes, c'est qu'il est un instrument de puissance de la part, en l'occurrence, de puissance de type colonial, mais qui contribue à diffuser des armes, en particulier en Afrique, et ça c'est le cas d'ailleurs depuis la traite négrière, où les armes sont des éléments fondamentaux de ce système commercial. Des liens très directs avec la traite négrière. Exactement, et ça a contribué à armer l'Afrique. On le voit aussi bien dans la guerre menée par Ménélik que la guerre des Boers contre les puissances occidentales. Eh bien, il est temps d'entendre la lettre de Rimbaud. Elle est lue ici par Renaud Bertin dans l'émission Rimbaud le commerçant, deuxième partie de sa vie. Rimbaud le commerçant de Jean-Michel Djian sur France Culture le 29 juillet 2015. Aden, le 22 octobre 1885. Chers amis, quand vous recevrez ceci, je me trouverai probablement à Tadjoura, sur la côte du Dankali, annexée à la colonie de Bok. Il me vient quelques milliers de fusils d'Europe. Je vais former une caravane et porter cette marchandise à Ménélik, roi du Shoah. La route pour le Shoah est très longue. 2 mois de marche presque jusqu'à Ankober, la capitale. Et les pays qu'on traverse jusque-là sont d'affreux déserts. Mais là-haut, en Abyssinie, le climat est délicieux, la population est chrétienne et hospitalière, la vie est presque pour rien. Il n'y a là que quelques Européens, une dizaine en tout, et leur occupation est le commerce des armes que le roi achète à bon prix. S'il ne m'arrive pas d'accident, je compte y arriver, être payé de suite et redescendre avec un bénéfice de 25 à 30 000 francs réalisé en moins d'un an. L'affaire réussissant, vous me verriez en France vers l'automne de 1886 où j'achèterai moi-même de nouvelles marchandises. J'espère que ça tournera bien, espérez-le aussi pour moi, j'en ai bien besoin. Si je pouvais, après 3 ou 4 ans, ajouter 100 000 francs à ce que j'ai déjà, je quitterais avec bonheur ces malheureux pays. Bonne santé, bonne année, repos et prospérité. Bien à vous, Rimbaud. Cette affaire n'est pas bien terminée, notamment parce que Rimbaud est tombé malade et est mort prématurément. Hervé Drévillon, cet épisode, que évidemment la figure de Rimbaud rend éclatant, est assez représentatif de beaucoup de ces échanges troubles qui se développent du côté de la Corne de l'Afrique. C'est vraiment ces années 1880, c'est vraiment le moment où le commerce des armes s'internationalise, acquiert une visibilité et du coup attire également la critique. Et une critique qui a 2 origines. La première, c'est l'origine du mouvement pacifiste tel qu'il se constitue à partir des années 1860, en particulier sous l'influence d'Henri Dunant. Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Voilà, effectivement, et l'inspirateur des premières conventions de Genève en 1864. Après la guerre d'Italie. Voilà, et en particulier avec ce récit de la bataille de Solferino, qui est également, justement, non seulement un récit qui dénonce la faible prise en charge des blessés, etc., mais qui montre l'effet des armes, et qui montre leur effet vulnérant, leur effet létal. Et il y a tout un passage dans le souvenir de Solferino, qui est écrit par Henri Dunant, justement sur les souffrances provoquées par les armements modernes, ce que fait une balle de fusil à un homme, à la chair qu'elle déchire. Il y a une sorte de raffinement de détail de la description de l'effet des armes chez Henri Dunant qui est importante. Premier facteur, le pacifisme, et le second ? Et le second, c'est la dénonciation d'inspiration socialiste de l'économie capitaliste, et on voit là converger 2 raisons morales et politiques de dénoncer le commerce des armes qui à la fois entretient la guerre et en même temps soutient le grand capital. Et les critiques qui sont formulées dans les courant socialiste avant la Première Guerre mondiale, s'inspire fortement de cette convergence. Le refus de la guerre tel qu'il se formule chez Jaurès n'est pas un refus absolu de la guerre. Jaurès décrit dans l'Armée nouvelle la façon dont une nation a le droit de s'organiser pour se défendre. Son grand livre de 1911. Exactement. En revanche, dans les milieux socialistes et chez Jaurès, il y a une condamnation de la guerre comme étant le produit de ce lobby militaro-industriel que l'on accuse de n'être non pas la conséquence de la guerre, mais sa cause. On trouve tout cela qui affleure lors des deux conférences de la paix à La Haye, qui précèdent la Première Guerre mondiale, et où certains pensent que l'on peut limiter le commerce des armements, limiter la diffusion d'un certain nombre d'armes ou de projectiles, par exemple les fameuses balles doum-doum, qu'on appelle aujourd'hui autrement, à dissémination. Alors, les balles qu'on appelait balles expansives, c'est-à-dire ce sont des balles qui, lorsqu'elles pénétraient dans le corps, se dilataient, provoquaient des lésions internes considérables. Donc on interdit leur fabrication et leur commerce international. Mais c'est à ce moment-là qu'un des militaires britannique dit avec ironie, civiliser la guerre, c'est comme vouloir civiliser l'enfer. Ce qui est une posture ancienne, ça n'est pas la première fois que l'on essaye de réglementer l'usage des armes. Donc leur commerce. Il y avait par exemple au XVIIIe siècle un interdit sur ce qu'on appelait les boîtes à cassettes, c'est-à-dire en fait on projetait des éclats qui provoquaient chez les soldats touchés des plaies très compliquées parce déjà, que les éclats étaient irréguliers. Il y a eu depuis longtemps, effectivement, une condamnation d'un certain type d'armement. On est donc là dans une histoire longue. Ce qui avait effectivement toujours provoqué cette tension dans le débat et qui est la question de savoir si on peut civiliser, si on peut réglementer la guerre. La réponse est oui, puisque même si la guerre reste toujours un affrontement violent, on s'aperçoit qu'il y a malgré tout plusieurs façons de mener la guerre et qu'il y a des façons plus ou moins violentes de le faire. C'est là qu'on retrouve directement la question du commerce des armes, commerce international. Qu'a-t-on le droit de vendre ou de ne pas vendre dans voilà. les ordres des conflits armés? Ce que l'on reproche au commerce des armes, c'est d'encourager une pratique de la guerre qui, justement, soit une pratique, disons, industrielle. Et donc, que le développement des capacités de production se traduise sur le champ de bataille par le développement des capacités de destruction. Et donc, la question qui se pose, et en particulier avant la Première Guerre mondiale, c'est de savoir jusqu'où ce déchaînement des capacités de production va aller, s'il s'agit d'entrer dans une guerre qui soit strictement un affrontement de capacités industrielles. C'est dans ces termes-là que se pose le débat. Et c'est pour surmonter cette logique, qui est une logique strictement industrielle, une logique de confrontation de puissance, que l'armée française se construit une doctrine qui tente d'échapper à cette loi d'airain de la puissance de feu en mettant l'accent sur l'enthousiasme, sur le facteur moral. La furia francese. Exactement, c'est cette vieille tradition qui vient des guerres d'Italie, sur cette idée que seul le facteur moral pourra permettre de surmonter la loi de la destruction. Comme ça que le dernier jour du mois d'août voit un effroyable carnage de Français lancés en pantalon rouge contre des mitrailleuses. Exactement. C'est ce calcul, alors, qui n'était pas totalement absurde avant la Première Guerre mondiale. L'idée était de dire que la France, moins peuplée que l'Allemagne, la France, moins industrialisée que l'Allemagne, ne pouvait pas résister à une confrontation qui soit une confrontation limitée à une guerre d'attrition ou à un affrontement entre moyens industriels disproportionnés. Il fallait donc trouver le moyen d'abréger la guerre avec un pari sur l'offensive, un pari sur la capacité à décider sur le champ de bataille, à retrouver cette figure mythique de la bataille décisive qui lui, effectivement, s'est avérée totalement illusoire. Entre deux guerres, logiquement, est celui où on voit fleurir le thème, la figure du marchand de canons. Voilà. À gauche, l'idée que ceux qui ont fait production et commerce d'armement ont été à l'origine de l'esprit belliciste dont on a vu les effets épouvantables. Avec des figures emblématiques comme le célèbre Basil Zaharoff, qui est par exemple celui qui prend le contrôle de la fabrication d'une mitrailleuse qui est la concurrente de la Hotchkiss dont on parlait tout à l'heure et qui est la mitrailleuse Maxim. C'est la grande entreprise Vickers. On peut signaler que Basil Zaroff, qui est en effet une figure emblématique, est représenté par Hergé. Hergé, oui. Dans L'oreille cassée, sous le nom de Bazarov. C'est lui qui va vendre des armes à la fois à Tapioca et à Alcazar, dans deux pays d'Amérique latine voisins. Et ce qui est mis en évidence là, c'est le caractère mondial de ce commerce. Ce n'est pas seulement limité, justement, aux zones où ces armes sont produites. Et ce que l'on reproche aussi, enfin, ce qu'un certain nombre de pacifistes reprochent à Basil Zaharov, c'est d'être un acteur de la chose publique. Il intervient, notamment en Grèce. Il est à la fois grec et britannique. Effectivement. On voit là une figure du marchand de canons qui s'incarne dans d'autres personnages, dans d'autres entreprises. C'est l'immédiate après-guerre, hein, après Première Guerre mondiale. Krupp et Schneider. Et Dassault. On commence à voir effectivement des entreprises comme celle-ci. Renault qui Marcel se met Bloch, à fabriquer. Bloch Dassault qui va devenir Bloch Dassault et qui, voilà. est un créateur assez génial d'avions de guerre. Et effectivement. Qui vont être vendus également. Parce qu'il ne faut pas oublier que les armes de guerre, ce sont aussi les avions d'un côté et les navires de l'autre. On l'apprend, on le comprend en particulier au XXe siècle. La construction navale est effectivement un élément très important de la production des armes et de l'industrialisation. Ce domaine-là est précurseur. C'est au XVIIIe siècle, dans la construction navale, et même dès le XVIIe siècle, qu'on expérimente les formes les plus avancées, les plus précoces, de la standardisation de la production, de la rationalisation de la production, de la division du travail, pour reprendre une expression qui a été formalisée plus tard, et aussi de la participation des capitaux privés. Les armements maritimes se font toujours avec une participation des capitaux privés, et ce d'ailleurs dès Colbert. Un des éléments, par exemple, qui l'exprime très bien, c'est le grand tournant stratégique adopté par la marine française en 1692. C'est le moment où Louis XIV renonce à affronter directement la marine anglaise dans ce qu'on appelait la guerre d'escadre, c'est-à-dire un affrontement de puissance à puissance. Et à partir de là, on ouvre une nouvelle ère stratégique qui est plutôt la guerre de course, c'est-à-dire les captures, l'utilisation de corsaires, etc., qui, eux, précisément, sont des entrepreneurs privés. C'est pour répondre à des injonctions de rentabilité aussi que s'opère ce tournant stratégique. Alors, ça n'est pas Colbert qui l'opère puisqu'il est mort en 1683, mais il y a là, effectivement, un exemple qui montre l'implication des intérêts privés dans ce système économique. On voit souvent, parce que précisément on est à la frontière entre le privé et le public, on voit souvent des navires devenir des sortes de symboles. On a vu ça avec le fameux BPC, bâtiment de projection et de commandement, qu'en définitive, on n'a pas vendu à Poutine et qu'on a vendu à l'Égypte. Et puis il y a un autre épisode, qui est celui fameux des vedettes lance-missiles de Cherbourg. Vous vous rappelez, qui ont été détournés, n'est-ce pas, par les Israéliens, alors qu'on ne voulait plus leur vendre à la suite de la guerre des six jours. Et on pourrait ajouter les frégates de Taïwan. Enfin bon, toutes ces affaires-là, effectivement, montrent que le commerce des armes, même s'il est contrôlé par l'État, et a fortiori lorsqu'il s'agit de construction navale, eh bien, est toujours happé par des logiques qui peuvent être des logiques divergentes, qui peuvent être d'une part des logiques qui fait que le commerce des armes est un instrument de puissance, de diplomatie, fût-elle secrète, mais également happé aussi par une logique strictement commerciale et industrielle qui font que, eh bien, lorsqu'une entreprise doit tourner, eh bien, il faut pouvoir écouler les produits. On sait aujourd'hui tout le rôle qu'a tenu le ministre de la Défense dans la négociation des contrats de vente d'armes avec de nombreuses puissances alliées de la France. Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, en effet, qui a joué un rôle déterminant dans le déblocage de situations commerciales qui étaient bloquées. Il a pesé en tant que ministre de la Défense, qui, de fait et par fonction, se trouve encore à la tête d'un système dans lequel l'État joue un rôle déterminant, toujours, d'organisation, de structuration, même si on assiste depuis quelques années à une part de plus, à la progression de la part du privé et à la désétatisation ou à la privatisation d'un certain nombre de grands secteurs de l'armement. C'est là que nous revenons à cette opposition entre un point de vue pacifiste, un point de vue moral, un point de vue souvent chrétien d'ailleurs, sur le caractère insupportable de ce commerce des armes, et d'autre part sur le réalisme de ceux à qui il revient d'assurer la sécurité des nations. Cette opposition est assez bien résumée, et même très bien résumée, je trouve, par cette opposition entre deux propos tenus en 1976. D'un côté, le cardinal Marty, Notre-Dame, qui prend, vous allez voir, parti pour désarmement général, et donc contre le commerce des armes, et puis la réponse beaucoup plus réaliste de Jacques Chirac, qui est alors Premier ministre, on est dans Interactualité, le 13 janvier 1976. La France défend justement la paix. Elle n'a pas d'ennemis, mais par nécessité économique mal comprise, elle se permet d'équilibrer sa balance commerciale, sa balance des paiements, en développant le commerce des armes. Devant nos difficultés sociales actuelles, peu nombreux sont ceux qui osent élever la voix. Que les chrétiens le fassent. Je voudrais simplement, sur le fait, rappeler que, en ce qui concerne les exportations d'armement, nous sommes, par rapport aux deux grandes puissances qui prétendent trop souvent partager le monde en zone d'influence, je dirais des tout petits intervenants. C'est l'élément indispensable de notre propre indépendance. Nous ne pouvons pas vouloir une politique d'indépendance en matière militaire, en matière de défense, si nous n'avons pas une certaine indépendance d'approvisionnement. Et cette indépendance d'approvisionnement, nous ne l'aurons que si nous avons une industrie d'armement qui est puissante. Mais une industrie d'armement qui est puissante ne trouve pas en France son marché et donc doit obligatoirement avoir des possibilités d'exportation. Et le problème va donc beaucoup plus loin que la façon un peu abstraite qu'il a revêtue dans certaines déclarations récentes. Déclaration récente, c'est assez pudique. Je rappelle que le cardinal Marty était archevêque de Paris. Un petit intervenant, dit modestement Chirac, en fait, la France est maintenant au quatrième rang des exportateurs d'armes et a connu un grand boom dans les années 2014, surtout 2015, et déjà en 2016, sur un fond de tableau où le commerce des armes a également cru. On approche, semble-t-il, 100 milliards d'euros pour l'ensemble de ce qui s'échange dans le domaine des armements sur cette planète. Le tableau général a changé depuis l'époque qui est évoquée par cet enregistrement. Nous sommes à 40 ans. Voilà, effectivement. On était dans une situation décrite par Jacques Chirac, qui est l'affrontement bipolaire entre le bloc soviétique et le bloc occidental. La France considérait que dans cet affrontement, c'est le positionnement tel qu'il a été mis en œuvre par le général de Gaulle, que la France, donc, avait à se doter d'une capacité de défense autonome. C'est ce qui explique le développement de l'arme nucléaire, mais c'est aussi le développement contemporain, c'est ce qui explique la construction d'un appareil de production industrielle capable de donner à la France une indépendance stratégique. Il y a là une vision, effectivement, qui relève d'abord d'une vision stratégique qui tend à positionner la France dans un environnement international. Or, aujourd'hui, cet environnement considérablement évolué. Alors, le marché des armes reste encore dominé par un nombre limité de puissances. Hein, 5 grandes puissances qui, à elles seules, représentent plus de 80% du marché. Mais il y a une évolution. Le marché tend malgré tout à se généraliser, à se déréguler. Et c'est la raison pour laquelle, justement, l'ONU a approuvé ce traité très récent, dont on peine à mesurer les effets potentiels. Et qui est plutôt une bonne nouvelle. Qui est plutôt une bonne nouvelle, en effet, mais qui a été, par exemple, accusé par certains de vouloir consolider le rôle, justement, des grandes puissances productrices d'armes pour exclure du marché des armes. C'est un petit peu la même problématique que le traité de non-prolifération nucléaire. Donc, pour exclure des puissances émergentes de ce commerce. L'arrivée de l'armement nucléaire a introduit une distinction de grande importance quand on considère le commerce international des armes entre la bombe atomique et puis l'ensemble des autres négociations possibles sur l'ensemble des autres matériaux. Effectivement, puisque justement l'armement nucléaire n'est pas concerné par le traité sur le commerce des armes. La chose intéressante, c'est que effectivement on a pu considérer à un moment que la dissuasion nucléaire pouvait contribuer, elle aussi, à empêcher la prolifération des armes classiques et aussi la prolifération des conflits périphériques, etc. Bon, on s'est aperçu que ça n'avait pas du tout été le cas. Mais si on prend la guerre des chars, chez Rade de Gaulle, on s'aperçoit que ça continue. On essaye toujours de vendre nos chars Leclerc, comme les Américains, leurs chars Sherman, etc. Effectivement. Mais alors là, pour le coup, effectivement, on voit bien là une industrie qui a vocation essentiellement à être tournée vers l'exportation. C'est-à-dire que dans les doctrines d'emploi et dans les formats de l'armée française actuelle, l'utilisation de chars lourds est très loin d'être parmi les priorités. Il y a donc désormais des armes qui n'ont vocation qu'à être quasiment exclusivement tournées vers l'exportation. Ce dialogue entre le cardinal Marty et Jacques Chirac, il vous paraît désuet ou bien on pourrait l'entendre encore sur nos ondes, dans le quotidien La Croix, qui s'intéresse beaucoup à ces questions éthiques? Tout à fait. Alors, dans cette forme-là, il a peut-être un petit peu vieilli, mais sur le fond. Sur le fond, je crois qu'il y a un élément intéressant dans ce que dit le cardinal Marty, c'est la France n'a pas d'ennemis. La France n'a pas d'ennemis. Or, précisément, c'est ce que l'on vient de découvrir très récemment avec les attentats, c'est que la France a des ennemis. Et que désormais, il y a un enjeu dans la capacité à désigner l'ennemi. C'est le sens du livre de Jean-Yves Le Drian, qui est l'ennemi, et de pouvoir adopter une posture stratégique qui soit cohérente avec la définition de cet ennemi. Ce qui est une grande rupture, puisque effectivement, auparavant, la France avait une politique de défense, mais qui n'était pas tournée vers un ennemi. Ça, c'est une réalité qui s'est imposée après la chute du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide, puisque auparavant, on parlait de l'ennemi conventionnel. Après la chute du mur de Berlin, la France a adopté une posture de défense sans ennemi, ce qui est très difficile de construire un système de défense quand on ne sait pas vers qui ou vers quoi il doit être tourné. Et en même temps, on a moins de scrupules à vendre tous azimuts l'armement qu'on fabrique. Du coup, on se trouve aujourd'hui dans une situation de relative discordance entre l'ennemi que l'on identifie et les moyens militaires qui sont à notre disposition et que nous vendons d'ailleurs à l'exportation, puisque ce n'est pas forcément toujours le même ennemi qui est visé. Et donc ça donne une posture stratégique extrêmement complexe qui doit être en mesure d'aller frapper un ennemi qui est en l'occurrence Daesh avec des moyens extrêmement conventionnels, mais également qui doit être en mesure de lutter sur le territoire national contre un ennemi difficilement saisissable. Et là, pour le coup, l'industrie de l'armement est assez peu pertinente. Et en même temps, on voit un certain recul du pacifisme dirigé contre cette industrie actuellement. Un recul qui s'explique largement par l'évolution de la situation internationale que vous venez d'évoquer. Hervé Drévillon, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre compétence et vos réflexions. Deux de vos livres, parmi d'autres, vers lesquels je renvoie, « L'individu et la guerre » du chevalier Bayard au soldat inconnu, qui est paru chez Belin en 2013, et un autre antérieur qui s'appelait « Bataille, scène de guerre de la table ronde aux tranchées », paru au Seuil en 2007. J'ai également fait fond pour préparer notre conversation sur le livre de François Cochet, « Armes en guerre, 19e, 21e siècle, mythes, symboles et réalités ». Nous avons rencontré les trois. Paru au CNRS Édition, excellente CNRS Édition, en 2012. Vous trouverez également, bien sûr, d'autres ouvrages sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez télécharger cette émission, l'écouter, la réécouter, la garder pour très longtemps. Samedi prochain, nous parlerons boucherie, nous parlerons des bouchers au Moyen-Âge, une puissance sans contrôle. Il m'a semblé que tout ce qu'on a lu et appris sur l'évolution des abattoirs récemment, les soucis qu'ils causent, justifiait que j'invite Benoît Descamps, grand spécialiste de ce sujet. Ce sera lui qui sera à mon micro la semaine prochaine. «